MEV dans vos oreilles. Semaine 14. Samedi 14 septembre, on vient de replier la tente, on est prêt à partir. Puis là, il y a le gros troupeau de chèvres et de moutons, il y a les deux, qui, voilà, sont de passage autour de nous. Encore une belle journée qui s'annonce, j'ai l'impression. On a à peu près 2 heures de route jusqu'au lac. On va aller tranquillement, hein, puisque c'est de la piste. Hein. Et puis voilà, je vois qu'on a cassé un des pare-boues d'une des roues avant. Donc vraiment, on va pas récupérer toute notre caution. Mais bon, putain, c'est le jeu. Hein. On n'a pas fait de l'autoroute. Comment a été votre nuit ? Bon, pas des meilleures. Hein. Il faisait froid encore. J'ai froid à mes pieds. J'ai les pieds glacés quoi dans cette tente. Le sac de couchage, je dis que c'est une température de confort de 0 degré. Clairement, c'est pas le cas. Hein. Il faisait peut-être 0 degré, j'étais pas du tout en confort quoi. On était habillés avec nos sous-vêtements en laine. Sûrement pas 0 degré dehors. Plus ? Ouais. Oui, non, mais il faisait pas 0 degré au moins, ouais. Tu vois. Mmh. Normalement, ta température de confort du sac de couchage, c'est 0. Donc, c'est pas possible. Il y a un truc qui matche pas avec ce sac de couchage. Bref. Et sinon, j'ai pas été très confortable. Mais bon, il y avait une très jolie lune qui éclairait beaucoup, beaucoup la tente. Moi, j'avais l'impression que toute la nuit, il faisait jour, en fait. Je suis sortie pour aller faire un petit pipi. Et il y avait la lune éclairait vachement avec un halo lumineux autour. C'était magnifique. J'ai pas vu ça. Parce que t'es pas allé faire pipi. Eh oui. T'as réussi à enregistrer les petites chèvres. Non, elles sont rigolotes. Pendant qu'elles trottinent, elles arrêtent pas de se tirer la langue comme ça, se lécher le bout du nez, je sais pas. C'est mignon le chèvre. Oui. Du coup, on aura plutôt une chèvre ou un mouton chez nous ? À la Clusaz ? Mmh. Bah, pas beaucoup d'espace, hein ? On demandera la copro aussi. Ouais. Le problème de la chèvre, c'est que ça bouffe tout. Genre tout. Donc, faut pas avoir le truc qui craigne, quoi. Et le mouton, ça peut te donner de la laine. Sans lui faire mal. Mais on n'aura pas d'animaux si on n'a pas un énorme terrain où ils peuvent être en liberté, quoi. Est-ce qu'on repart ? Bah, il serait temps, c'est-à-dire qu'il est 11h10. Ah bah écoute, on prend notre temps, mais est-ce qu'on est pressé ? Pas du tout. Bah voilà, c'est ça qui est bien. C'est ça la vie. Est-ce que t'as dit dans le micro que maintenant t'avais hâte d'arriver au Japon ? Je sais pas si je l'ai dit, mais oui, je suis très excitée. Non mais alors, hier comme on a vu des jolis paysages et tout ça, ça m'a un petit peu, tu vois, genre... remotivée quoi, je me suis dit non mais la fin du trip va être cool. Mais sinon oui, j'ai très très hâte d'aller au Japon. Ouais, j'ai envie de changer de... je sais pas. Là pour le coup ça va nous faire un petit choc culturel assez rapide malgré tout, mais... Dans tous les cas, il suffit de pas faire beaucoup de distance finalement. Oui, parce qu'entre la Russie et le Japon, c'est pas très très loin si on est à Vladivostok, et pour autant, un gros choc. Même entre la Chine et le Japon, hein, je pense, au final. Donc oui, j'ai très hâte de voir ce que ça donne, je sais pas. C'est bizarre, j'ai envie, alors ça me ressemble pas tellement, j'ai plutôt tendance à avoir envie de nature et d'espace, tout ça, mais là j'ai envie de découvrir une ville avec une nouvelle ambiance, enfin tu vois, un truc, j'ai hâte de découvrir les grandes villes, japonaise, je suis pas sûre qu'on va y rester longtemps parce que ça risque de nous être peut-être très fatigant pour nous. Vu que c'est pas trop notre mentalité et tout, mais tu vois. De voir ça quoi. Bah, on est quand même des citadins à la base. Oui, oui, oui, on est des citadins. Mais c'est un peu comme quand j'ai vu New York, tu vois. J'y serais pas resté longtemps, je pense pas que je pourrais y vivre, mais pour autant c'est impressionnant. Donc, je suis d'accord. Avec une culture qui va avec. Quoi. Ouais, C'est pas juste une grande ville. Donc j'ai hâte de voir ça. Et aussi de découvrir la culture plus traditionnelle, quoi. De faire la randonnée des temples. Enfin, tu vois, je pense que ça va être cool. Shikoku. En espérant qu'on puisse le faire avec le temps qui va. Faut qu'on check, on n'a toujours pas d'internet, donc on peut rien faire. Pour l'instant, on sans internet. Dans notre tête. Sans internet, on est perdu. Exactement. Donc voilà. Bon, caracole. Dans 2 jours, on aura internet. Ça devrait aller. On va s'en sortir. En attendant, on va continuer à écouter du floodcast dans la voiture. Oui, c'est chouette. C'est vrai qu'hier, le temps a passé beaucoup plus vite, alors qu'on a fait une grosse distance, quoi. Ouais, on a écouté 2 Allô la planète, 1 Globe Cleaners, Instinct voyageur. Sur les digital nomades. Et presque un floodcast. Donc c'est-à-dire que. On a beaucoup roulé en fait. Bah, en même temps, on est parti à 9h et on s'est arrêté à 18h30 quoi. Ouais. Et on n'a pas fait de pause au milieu donc. Parce qu'on s'est pas arrêté pour déjeuner. Non, on a grignoté la voiture. Donc oui, on a beaucoup roulé. Ça va être plus calme aujourd'hui, je pense. Il y a quand même 90 km et ça va être long parce que c'est de la route qui va pas très vite. Bah, mais... 40 km/h, c'est ça, à peu près 2 heures. Voilà. C'est parti ? Oui ! Petite pause improvisée parce que le moteur de la voiture chauffait un peu beaucoup trop. Alors, je sais pas si vous entendez encore le petit bruit du glouglou. Voilà, et surtout. Ce qui est pratique, c'est que on n'arrive pas à ouvrir le capot. Même en ayant appuyé sur le bouton. Enfin, il s'ouvre un petit peu, quoi, pour le désenclencher. Mais après, ça veut pas. Donc, si on veut mettre du liquide de refroidissement ou juste de l'eau pour refroidir, on peut pas. On va voir jusqu'où on peut aller comme ça. Et puis voilà, comme ça on prend notre déjeuner. Perdu au milieu de nulle part, on peut dire. Ah oui, là on est perdu, ouais. On a croisé des chevaux, un berger et 2 cyclistes. Depuis, je sais pas, 50 km quoi au moins. Il y avait 2 chiens qui étaient pas très l'air gentils. J'ai pas vu leur croc, mais apparemment ça faisait pas... Ah, ça faisait vraiment... Tu sais, les babines retroussées, les oreilles en arrière, vraiment méchants, quoi. C'est-à-dire qu'ils voulaient pas de nous. Enfin, ouais. Ça va qu'on était dans la voiture. Ouais, non, mais tu dis qu'heureusement que t'es dans la voiture, quand même, ça te fait une petite protection, quoi. Là, on sera à pied, c'est vrai que... Bah, une grosse protection, oui, même. Ah bah, à pied, ce sera un peu plus compliqué à gérer, je pense. Et puis, on a vu beaucoup de cimetières, qui sont vraiment très grands, en fait, hein. Ouais. Et avec des mausolées, et c'est construit, les pierres tombales sont construites en terre et en briques de terre. Donc ça, c'est très particulier, c'est très joli. Mais surtout au milieu de nulle part. Enfin, ça s'érige comme ça. C'est-à-dire que t'as un minuscule village où t'as 4 habitations et en fait tu sens que c'est un cimetière qui doit être tellement vieux parce que, bon, il n'y a pas non plus énormément de familles qui doivent vivre là. Ouais, très très beau. Là, la route qu'on prend, franchement, elle est chouette. Hein. Ah ouais, ça c'est clair. C'est ce qu'on voulait, quoi. Du sauvage. Ouais. Non, les cyclistes qui ont pris la route, là, pff, chapeau. Hein, parce que c'est pas... Moi, je comprendrais jamais pourquoi les gens font ça, mais... C'est chaud, quand même. Enfin, y a du vent, mais le soleil tape bien. J'ai dû changer de place dans la voiture tellement ça me tapait dessus, pour vous dire. Je pense qu'après le déjeuner, on pourra repartir. Le moteur devrait avoir un peu refroidi. Bah, j'espère, parce qu'on a encore 30 km à faire en montée. Non, je pense pas que ce soit en montée, parce qu'on est déjà à 2800 mètres. Ouais, le lac est à 3000. Il y a une partie, je crois, qu'on longe un peu, donc ça va être plat. J'ai faim. Ça tombe bien, on va manger. Pas tout de suite encore, hein. Faut que ça cuise. Moi, je déprête. Il est 19h. Nous nous sommes arrêtés au bord du lac Sunkul. La route a été magnifique. Je retire tout ce que j'ai dit à propos du Kyrgyzstan. C'est bon, on l'a trouvé. On a trouvé ce qu'on cherchait, non? On l'a trouvé. En fait, il aurait fallu qu'on fasse un pas sur le pic Lénine, je pense. À tous ceux qui veulent visiter le Kyrgyzstan, si vous n'avez pas beaucoup de temps, ce lieu est quand même incroyable. Là, sur le col et la route. C'est beau. Ouais. On est devant un beau coucher de soleil. Vous entendez le silence? Il y avait une palette de couleurs très très belle pendant que le soleil se couchait. Et on va pas dormir dans la tente cette nuit. Parce qu'il y a du vent et qu'il fait froid. Ouais, et puis que le sol est pas. Je suis pas sûre que le sol soit très très approprié quand même. On subirait un petit peu notre nuit. Oui, on va tirer des leçons de nos nuits passées pour dormir à l'abri du vent. Ouais. Donc là, on va dormir dans la voiture. On va tester, on va voir si c'est confortable. Ça sera sûrement pas la nuit de notre vie, mais ça devrait aller. Il fait tellement froid qu'on va pas faire à manger. Ouais, du moins du chaud. On va manger quand même. Parce que ça nous oblige à faire ça dehors. Pas allumer un réchaud dans une voiture. C'est un petit peu dangereux. C'est contre-indiqué sur la notice. Je comprends. Bon, peut-être demain on aura un joli lever de soleil. Ah, bah c'était une belle journée en tout cas. Il y avait des jolies choses. J'ai même dérapé dans la neige. Ça fait une petite frayeur quand même. Ouais, je l'ai tenté, mais je savais. Enfin, c'était pas au bord d'un précipice, donc ça va. Bon, du coup, non, je vais éviter de rouler dans la neige avec. Pourtant, c'est censé être. C'est des pneus montagne. Je sais pas si c'est pas des pneus neige, donc. Je sais pas. Enfin, est-ce que c'est qu'il y a une différence ou pas? Peut-être pas. Bon, dans tous les cas, même avec des pneus neige, s'il y a de la neige et que tu essaies de démarrer presque dessus, c'est pas ouf. Mais ouais, on l'a vu de près, la neige. Coucou! 15 septembre 2019? 15 déjà? Oh. Je crois, oui. Ah ouais. Ça y est. Comment fut ta nuit? Ah, froide! Froide! Froide et inconfortable. Finalement, dormir dans une voiture, c'est pas confortable. Non, non, non, non, c'est pas fait pour. Non, et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça te protège pas tellement du froid. Hein. Oh non, non, non, ça te protège du vent, ça peut-être, ça c'est sûr. Oui. Mais en revanche, il fait presque plus chaud dehors que dedans. C'est ça. Pas l'impression en tout cas. En ressenti, oui. Est-ce qu'on a eu les pieds qu'on a cru qu'ils allaient tomber? J'ai mis deux. Déjà, une paire de chaussettes très chaudes, plus une autre paire de chaussettes par-dessus, j'avais quand même froid à mon orteil. Plus des sacs de couchage qui sont censés quand même, on le rappelle, avoir une température de confort de 0 degré. Et bah quand tu as allumé le moteur pour vérifier juste s'il faisait bien 0 degré, il faisait 0 degré. Il fait 0. On n'était pas du tout en température de confort. Hein. Non, non, non, non, non, non, on peut dire. Donc il y a du mensonge sur la marchandise. Ah, mensonge. Le soleil, tu le vois dans le rétroviseur? Oui, je le vois. Est-ce que tu as la flemme de faire demi-tour pour qu'on puisse voir le lever du soleil? On s'est levé quand même un peu exprès pour ça. Bon, aussi parce qu'on avait plein d'heures. Non, mais voilà, oui, je pense qu'il fait jour, donc c'est bon, on va pouvoir partir, et puis on fera une petite sieste, comme ça. Voilà. Non, c'est juste que là, je suis côté passager, donc si tu veux, c'est un peu compliqué pour manœuvrer. Ah bon? Mais. T'as pas les pédales? Non, j'ai pas les pédales. Ça y est, il y a un manque d'oxygène. Je crois. Ah, mais n'empêche, cette nuit, des fois, j'avais du mal à respirer. Je sais ah pas bon toi, mais je prenais des grandes inspirations. S'il y avait du froid, il y avait de l'oxygène en moins. Non, ça va, c'est pas ce qui m'a dérangé le plus. Oh, regarde, j'ai de la fumée dans la voiture. Condensation. Ouais, je pense qu'on va pas petit déjeuner maintenant. Non. On a trop froid. Ouais, c'est pas tendre. C'est pas du chocolat, là. Et puis bah ouais, on va rouler, ça va nous chauffer en même temps. Et puis on va redescendre un peu en altitude, ce qui va nous permettre peut-être de remonter en température. Au pire, on a toujours le diesel pour bien polluer pour nous, quoi. Pour bien chauffer. Ouais, enfin, faut pas trop qu'on l'utilise parce que sinon on n'arrivera pas à la prochaine station essence, quoi. Oh là là! Ce serait embêtant, ça. Ce serait embêtant de devoir rester bloqué ici. Sans essence, pas sans diesel. Ouais. Les nomades sont déjà au boulot. Hein. Bon, bah, sinon c'est tout. Ouais. Tu crois qu'on va arriver jusqu'où aujourd'hui? Ah, j'en sais rien. J'en sais rien. Il est un petit peu grognon. Je sais pas, je peux pas réfléchir. Bruit de pâtes et de lentilles qui cuisent sur fond de Queen. On s'est arrêté pour déjeuner devant le lac Issyk-Kul, le plus grand lac du Kyrgyzstan, qui est vraiment immense. D'ailleurs, je ne vois même pas le bout. Une température un petit peu plus clémente. On va pas se le cacher. Ça nous permet donc de préparer notre déjeuner en plein soleil. Peut-être va-t-on bronzer un peu, on ne sait jamais. Nous sommes dans la direction de Karakol. On va y arriver au milieu de l'après-midi. Peut-être on va prendre un petit hostel ou quelque chose comme ça pour pouvoir un peu prendre une douche. Ça peut être pas mal. Et peut-être laver des fringues. Et voir un petit peu ce qu'on va faire. Sur la fin de notre périple, il nous reste combien? On est le 15, il reste une semaine. Il reste une semaine. Donc je pense qu'on va avoir de quoi s'occuper. Inutile de vous dire que sur cette plage du lac, bon, on est bien sûr seul au monde, hein, parce que là, la saison touristique, je pense que est terminée. Mais inutile de vous dire qu'il y a pas mal de restes de déchets plastiques de tout genre. Voilà. Malheureusement. Je pense que vous nous entendrez souvent le dire. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie du voyage, donc on vous le partage. Et on partage avec vous notre mécontentement vis-à-vis de ça. Je suis un peu fatigué. Peut-être faire une petite sieste après manger. On n'a plus de podcast à écouter. Si on a encore des 2 heures de perdu. Ah, et puis il y a les guêpes là. Vas-y, bouffe le micro pendant que tu tires. Nous sommes le 18 septembre 2019. Et ça fait très longtemps que vous ne nous avez pas entendu. Oui. Enfin, vous vous en rendez pas compte parce que ce serait juste après ce qu'on a dit avant. Mais en vrai, il s'est passé 3 jours. Oui, il s'est passé 3 jours. Il y a 3 jours, après notre petit arrêt au lac de Issyk-Kul, nous sommes donc arrivés à Karakol, où on a trouvé le café. Fat Cat Café. Fat Cat Café. Ah oui, genre le gros chat, quoi. Café du gros chat. C'était le seul truc qui était ouvert quand on a cherché, oui. Un autre truc, c'était fermé. Donc. Et pour un petit peu voir où est-ce qu'on allait dormir, ce qu'on allait faire. On avait besoin d'internet. Voilà. Et très vite, on a rencontré un couple belge très sympa. Alexandre et Lucille, si je dis pas des bêtises. Ouais, on n'est plus très très sûr, Lucille, que tu t'appelles bien Lucille. Que ça commence par Luc quelque chose. J'ai un problème avec les prénoms, c'est horrible. Mais bon, bref, très gentil. Au début, on comptait juste rester une petite heure pour réserver notre hôtel et puis aller se coucher, quoi, en gros. Enfin, bon, on y a passé la soirée, on a papoté. Ouais, on a bu des bières. Voilà, et on s'était dit que parce qu'ils pensaient faire des excursions depuis Caracol et pour faire des randos, et on leur a dit qu'on avait une voiture, donc on a pu partager ça. Donc l'idée c'était de se tenir au courant, de savoir ce qu'on fait. Le lendemain, il faisait pas beau. Non, on avait dit qu'on ferait rien. Enfin, eux, ils avaient une activité, mais nous, on avait dit qu'on resterait pour travailler. Ouais, donc on a travaillé. On a galéré à trouver un café ouvert. C'est vrai, on a passé du temps. Et puis finalement, on a trouvé un tout pourri. Enfin, ouais, c'était pas ouf. Pas une bonne ambiance. Ça nous a permis juste de travailler, quoi, de se concentrer. On a commencé. Enfin, on a pu avancer. Moi, j'ai fait une V1 de mon montage de l'épisode 2, l'intro de l'épisode 2. Et moi, j'ai fini le montage de la semaine 7. Voilà. 8. 8 ? Ah oui, semaine 8. Et oui, quand même. Cette semaine, c'est la première semaine où on est sur Allo la planète. Donc ça, c'est trop cool. Allez découvrir cette web radio. Parce qu'elle vient juste d'éclore, de renaître de ses cendres. Oui, plutôt, parce qu'en fait... Mais en tout cas... C'est pas fait là. En tant que web radio, c'est une première. Donc il y a plein d'autres chouettes podcasts à découvrir aussi dessus. Voilà, j'espère qu'ils font d'autres émissions qu'on a écoutées déjà. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Bah donc du coup, pas grand-chose à raconter. Cette journée, on s'est baladé un peu à pied dans le caractère. Ah si, j'ai mangé une super bonne purée. Dans un café qui avait plus de courant. Oui, on est rentré, on s'est installé. On avait repéré le truc avant parce qu'on voulait y aller s'installer pour travailler, mais quand on y est passé, il y avait trop de monde. Et comme c'était l'heure du déjeuner, clairement, il n'y avait pas trop de place pour nous. Donc on est allé ailleurs, mais on est revenu pour déjeuner parce que l'endroit où on s'était posé pour travailler ne nous inspirait pas trop en termes de nourriture. Et au moment où on s'assoit et qu'ils nous donnent la carte et qu'on commence à regarder, il n'y a plus de courant. Donc on s'est dit, bon, a priori, on va avoir du mal à manger. Au final, on a pu bien manger. Bah, en fait, ouais, je pense que c'était déjà préparé, en fait, les trucs qu'on avait. Parce que toi, c'était du riz revenu et tout, donc je pense qu'ils en avaient fait une grande quantité. La purée, à mon avis, c'est pareil. Et la salade, il n'y a pas besoin. Parce que ce que je voulais à la base, l'espèce de crêpe à la purée, là, il m'a dit c'est pas possible. J'avais le concept de la crêpe à la purée. En tout cas, tout ça pour dire que cette purée était délicieuse. Et vraiment. Oui, bon, très très beurrée, je pense. Mais du coup, bien. Voilà, c'est ça. C'était parfait. Là, ça me donne envie. Le soir... le soir, bon, voilà, qu'est-ce qu'on a foutu? Bah, rien, on est rentré. On a réchauffé notre reste de pizza de la veille. Oui, c'est ça. J'ai commencé à avoir... Enfin, j'avais froid, j'avais très froid en me couchant. Et en fait, j'ai eu froid longtemps. Et surtout, le lendemain matin, je me sentais vraiment pas en forme. Je sentais que j'avais de la fièvre, donc une grosse poussée. Bon paquet de fièvre. Une bonne petite poussée de fièvre. Donc, c'était un peu embêtant après même pas une semaine. Après ta dernière poussée de fièvre. Ouais. Du coup, on devait aller faire une rando avec le couple de Belges. Mais on a dû annuler un peu au dernier moment, quoi. Et au final, on est resté un petit moment à la guest house. Ah, faut dire qu'on a de la guest house. Trop chouette. Super chouette. Et Sergueï qui est trop sympa. Sergueï est adorable. Comme il parle très peu anglais, il a pas trop... Ah bah clairement, oui. Ouais. Mais on arrive à communiquer avec les signes et tout ça, lui... Il est déterminé à se faire comprendre quand il veut dire un truc. Il fait des petits dessins quand il n'y arrive pas. Mais adorable, vraiment. Et l'ambiance est chouette. On se croirait vraiment dans la Russie d'il y a 40 ans. Alors, chouette, drôle. Je répète, je dirais que c'est chouette. C'est kitschou. Mais non, c'est une déco, ouais. C'est ça. Je pense que, ouais, je pense qu'il doit être russe. Sergueï ? Ouais. Ouais. Je sais pas, il s'appelle Sergueï, il a clairement pas une tête de Kyrgyz, donc à mon avis, il est russe. Peut-être qu'il est né au Kyrgyzstan. Non, mais oui, mais à mon avis, il est d'origine russe, quoi, initialement. Et donc on est resté le matin jusqu'à assez tard. Bah, t'as récupéré un peu de ton absence de nuit, quoi. C'est ça. Voilà, bon, avec une petite angine en fait débutante hein, qui se confirme aujourd'hui. qui m'a refilé. Voilà, j'ai commencé à te contaminer. Parce que quand il a senti qu'il était malade, il s'est pas dit « Oh tiens, je vais peut-être pas boire dans la gourde commune, je vais peut-être prendre la mienne, en fait. » Voilà, sans me le dire, donc du coup je ne savais pas, donc J'avais très soif, je ne pouvais pas faire autrement à ce moment-là. Voilà, donc résultat, on a tous les deux mal à la gorge, on est hyper en forme. On est quand même allé ce matin, on est allé... À Jetty Ogouz. Jetty Ogouz. Il a des petits problèmes avec les noms. Oh ouais, non mais... Moi c'est les prénoms, mais lui c'est les noms. Moi tu sais, je conduis la voiture, je regarde la route, je peux pas regarder les panneaux parce que... Non mais parce que t'as lu le guide en entier quand même avant qu'on prépare ce périple. Bien sûr, mais si tu veux, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent, de noms. Ouais, bon, on a fait quand même beaucoup de route pour au final pas faire grand chose parce que comme on n'est pas hyper en forme, on n'a pas fait la randonnée de 6 heures. 6 heures, non, clairement pas. Non, mais on a fait une petite balade, c'est hyper joli par contre, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'avant d'arriver, peut-être 20 minutes avant, tu te dis, t'as l'impression d'être presque dans les Alpes, quoi. Ouais. C'est un paysage qui n'est pas du tout dépaysant. Et d'un coup, t'as cette roche rouge très très particulière, mêlée avec des immenses sapins qui sont sur cette roche. Ce qui fait vraiment un paysage très très particulier, très très beau. Et ça s'appelle les Seven Bulls, donc les sept taureaux. Clairement, la nuit qu'on a passée à Songkul est peut-être pas étrangère au fait qu'on soit malade, tu vois. Pourtant, ouais, mais ça s'est déclaré assez tard au final. Bah, le lendemain. Oui, le lendemain. Oui. Claire, oui. Ça me paraît pas si tard que ça au final. Oui, c'est vrai. C'est ce que c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire parce que là du coup finalement on a fait peut-être un tiers de ce qu'on avait prévu de faire au Kyrgyzstan au niveau des randos. Oui, clairement. Après c'est pas grave, hein. On s'est peut-être toujours dit qu'on se mettait pas de pression. Non. Tu vois. Et on va travailler un petit peu là cet après-midi. Puis demain on va repartir. On va commencer tranquillement notre rentrée sur Bishkek. On va faire des petites haltes a priori autour du lac. En espérant qu'on aille un peu mieux, parce que moi, c'est le début, donc peut-être que je vais être un peu plus malade. On est le 19 septembre 2019, et il pleut. Modérément, mais il pleut. On a hésité avant de prendre la tente, on s'est dit on va quand même regarder la météo avant. Pour être sûr, parce qu'il y avait des petits nuages au-dessus de nous, des gros nuages noirs. Ils avaient annoncé de la pluie, donc on n'a pas planté la tente. Donc je sais pas trop si on a bien fait d'ailleurs, parce que si on veut la planter maintenant, ça va être encore plus compliqué, mais... Bah oui, on s'est fait un thé à la place. On est dans notre voiture, on attend. Nous sommes dans les gorges de Grigoriev. Grigoriev ou Grigoriev ? Grigoriev, oui, sûrement. Attendez, que je vous dise... Grigorievski Gorge. Grigorievka, c'est la ville. Et on est sur le trail qui se nomme Grigorievsko Trail. Ah, on est sur le trail. Non, enfin, il est juste au bout là. Ce qu'on devrait peut-être faire demain. Bah, si on dort là, quoi. On a mangé des mantis. À Grigorievka. Ce matin, on est passé par le quartier des dachas. À Caracol. À Caracol. On a fait une bonne partie du lac, en fait. Pardon. Un quart. On est à la moitié, à peu près, de la partie nord. Ouais, c'est pas mal. C'était beau en arrivant dans les gorges. Ouais. Il y avait des arbres jaunes qui se mêlaient aux sapins verts. Il y avait le soleil qui rasait un petit peu dessus, donc c'était assez joli. Ça faisait une couleur jaune, mais vraiment jaune vif, tu vois, un peu comme le ginkgo biloba quand il jaunit. Voilà. Ben voilà. Et là, on hésite à planter notre tente sur un reste de yourte. pas un reste. Un emplacement de yourte, puisque c'est rond, c'est plat. Ouais, mais on est dit d'autant plus qu'il y a un petit bâtiment à côté. Pour l'instant, il n'y a personne, mais dedans, il y a des choses qui ont l'air récentes. Donc, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui vit là ou pas. Moi, je n'ai pas un bon feeling. Non, mais sur, tu vois, le déroulé de cette nuit, quoi. On est sur un endroit où on n'est pas tout à fait sûr, avec un temps où on n'est pas tout à fait sûr. Ouais. Serions-nous le 20 septembre 2019. Nous avons passé la nuit donc près du lac. Et est-ce qu'on n'aurait pas eu un peu froid par hasard? Bah surtout toi, après, ouais, t'as eu beaucoup froid aux pieds. Pas comme d'habitude, quoi. J'avais quand même deux paires de chaussettes en laine mérino un peu épaisse. Ma doudoune autour des pieds, plus mon sac de couchage. Et c'est un sac de couchage qui est censé aller jusqu'à moins 5. Non, ça c'est température limite. Oui, limite, bah jusqu'à moins 5. Oui, disons que j'étais en température limite, quoi. Alors que, selon la météo, il était prévu en minimal dans la nuit, 7 degrés. On a vérifié, il faisait 4 degrés avant que le soleil pointe son nez. Donc, il n'a clairement pas fait zéro. Donc, ces putains de sacs de... Pardon. Ces sacs de couchage ne sont donc pas... Bah, ils mentent, quoi, c'est tout. C'est mensonger. C'est totalement parce que bon, t'es pas censé être entièrement habillé avec trois couches de vêtements pour que ce soit en température de confort, quoi. Non, normalement, t'es censé être tout nu. Oui. Bon, bref, c'est pas dramatique. On a vu un chien qui ressemblait à un loup. Il avait une tête de loup. Mais il avait pas du tout la taille d'un loup. Ni la forme. À part la tête. On est toujours dans les gorges de Grigorievski. Grigoriev, tout court, je crois. Grigoriev. Et nous sommes montés au deuxième petit lac. Et c'est joli. C'est calme. Bah, la nature est bruyante, mais sinon c'est calme. Y a que nous, quoi. Oui. C'est un petit peu un paysage qui me fait penser au Canada que j'imagine, parce que je connais pas le Canada. Il y a un monsieur qui nous a proposé de faire une balade à cheval. Enfin, c'est le deuxième d'ailleurs qui nous propose. On ne veut pas, nous. Non. Il y a encore des arbres. Orange, orange jaune, mêlé aux sapins. Les sapins qui sont très grands et très fins. Ben, il y en a aussi des plus petits et plus touffus, mais pas au même endroit. Parce qu'ils ont la place.